qu'à lui comme elle est belle. Moi, elle ne me croit pas. Dites-lui comme je l'aime. Je ne trouve pas les mots pour ça. Dites-lui comme elle est celle qui est faite pour moi. Dites-lui comme ça mon sel, l'épreuve de mon émoi. Dites-lui qu'elle est très belle, peut-être qu'elle vous croira. Dites-lui que loin d'elle, je ne rêve que de ses bras. Dites-lui qu'elle me pardonne, car c'est la première fois que je reçois autant que je donne, et cela me surprend parfois. Dites-lui qu'elle soit patiente, je vais m'y habituer. Dites-lui qu'elle en soit consciente, que je l'aime à en crever. Dites-lui qu'elle est si femme, c'est sûr qu'elle leur plaira. À mes deux petites âmes qu'elle fera pousser avec moi. Dites-lui combien on l'aime du plus profond de nos cœurs. Dites-lui qu'elle est notre emblème, notre fille conducteur. Dites-lui à cette grande dame que malgré toute sa pudeur, elle est de par sa grandeur d'âme encore plus belle à l'intérieur. Dites-lui qu'elle a en elle toute la douceur d'une mère. Dites-lui qu'avec elle, nous serons milliardaires.